Bonjour à vous tous et merci de nous rester fidèles et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Les habitants du quartier Kinogono, nous sommes dans la zone urbaine de Wienzi, victimes de la démolition de leurs latrines qui ne remplissent pas les normes, éprouvent des difficultés de se soulager. Le responsable de l'hygiène à mairie de Bujumbura exige aux propriétaires des parcelles la reconstruction des toilettes remplissant les normes hygiéniques. En Ngozi, au nord du pays, les bouchers de cette province ont obéi à la mesure du gouverneur de cette province de revoir à la baisse le prix du kilo de la viande. Et à Kirundo, l'on vous parlera d'une maladie jusqu'ici non encore connue qui attaque les porcs. Le vétérinaire communal de Bgambarangwe rapporte plus d'une vingtaine déjà morts. Voilà pour les titres de cette édition qui est mise en onde par Eric Ouimana. Moïse Misago suit à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, les habitants de la localité dite Kinogono de la zone urbaine de Bouyenzi éprouvent des difficultés pour se soulager. Cela fait suite à la démolition de leurs latrines qui ne remplissent pas les conditions hygiéniques. Ils s'adressent à leurs voisins ou font recours aux toilettes publiques, rapportent ces habitants. Ces derniers lancent un appel aux propriétaires des parcelles de construire de nouvelles latrines remplissant les normes hygiéniques. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Dans certains ménages visités dans le quartier Kinogono, situé dans la zone Wienzi, certaines latrines ont été démolies. Les habitants de cette localité vivent dans des conditions difficiles car ils n'ont plus là où se soulager. Ils indiquent que pendant la journée, ils se dirigent vers les voisins et les autres expliquent qu'ils paient 200 francs bout pour avoir où se soulager. On s'arrange dans ces moyens. Nous allons dans les autres ménages voisins. Il y a ceux qui ont de la traîne bien entretenue et nous payons 200 francs bout. Dans ce camp, tu te retrouves avoir utilisé l'argent de la ration destinée à la journée. Quand nous voulons nous soulager, aujourd'hui, nous sommes obligés d'utiliser les toilettes de nos voisins. Nous les dérangeons souvent pour qu'on puisse utiliser les latrines. Vraiment, c'est trop gênant. Ces habitants demandent aux propriétaires des parcelles de faire le tout possible pour que ces latrines démolies soient bien reconstruites. Dès que les propriétaires des ménages entendent cette sensibilisation, qu'ils y mettent de la force afin que nous aussi ayons des latrines bien aménagées, que le temps nous exige pour que la propriété soit bonne. Il faut que les autorités puissent nous aider car depuis la démolition de ces toilettes, il y a de la saleté et on observe partout des mouches. Nous craignons d'attraper des maladies de mains sales. Hamza Abadi Habonimana, chef de la zone Wienzi, indique que la situation est déjà connue et qu'il a donné une durée limite pour la reconstruction des latrines qui remplissent des conditions. Concernant les latrines, nous sommes allés dans différents quartiers pour constater ce que nous pourrions faire comme autorité. Les propriétaires de ces ménages ont une mise en demeure de les réaliser. Il y a d'autres à qui nous avons écrit tout en les donnant une durée limite afin qu'ils auraient déjà terminé à bien aménager les latrines. Il y a des mesures prises pour ceux qui n'ont pas réalisé ce travail, c'est que nous les avons taxé des amendes et les donné un délai limite pour avoir réalisé ce travail. Une durée d'une semaine a été donnée aux responsables des parcelles pour qu'ils reconstruisent les latrines qui remplissent des conditions afin que leurs locataires trouvent des lieux d'aisance propres. Merci Jean-Marie Mayonga. Le lavage des mains avec le savon après la toilette et la pulvérisation des lieux démolis sont quelques-unes des mesures d'accompagnement du secteur chargé de l'hygiène et assainissement au ministère de la Santé publique. Docteur Cléophile Akindavi, responsable de l'hygiène à mairie de Bujumbura, signale qu'en collaboration avec l'administration, ils exigent la reconstruction de ces latrines dans l'immédiat suivi. Une latrine qui remplit les conditions, c'est une latrine où on a creusé en profondeur de plus de 2 mètres. C'est une latrine qui a 4 murs avec une toiture. Ensuite, il faut mettre le trou avec une poubelle pour éviter qu'il y ait des mouches qui sortiraient de là-bas. Également, on exige aussi qu'à la sortie, on y mette un pot de lavage. On donne les mesures d'accompagnement à la population. Ça veut dire on rappelle le nettoyage, lavement des mains à chaque moment que c'est possible avec l'eau propre et du savon. Mais aussi, pour ces lieux, on a démoli ces toilettes, on fait les pulvérisations avec les produits pour éviter que ces microbes continuent à se déverser dans la communauté. Mais surtout, chaque moment que l'on sort des lieux d'aisance, on se lave avec l'eau propre et du savon. Poursuivons cette édition. Tous les dossiers reçus par les officiers de la police judiciaire doivent parvenir au parquet sans les classer sans suite et la détention abusive doit être bannie. Déclaration du Premier ministre burundais ce mardi à Bubanza lors d'une réunion avec les représentants de la population de cette province. Gervain de la Kobucha met également en garde ceux qui reçoivent la corruption, surtout dans le domaine de la justice. À 13h01, poursuivons cette édition. La mesure du gouvernement de la province Ngozi fixant les prix de la viande à 10 000 francs la viande, le kilo de la viande dite Tchanga Tchanga et celle dite Umusoso à 11 000 francs a été respectée au marché du bétail de Viegua qui se tient tous les mercredis. Mais dans la ville de Ngozi, le prix d'un kilo a été rehaussé de 1 000 francs à 2 500 francs. Les consommateurs de la viande demandent le respect de cette mesure ou des sanctions à l'endroit des spéculateurs, comme mentionné dans le communiqué sorti par Emmanuel Nachonsanze, gouverneur de la province Ngozi, n'est-ce pas Apollinaire Muzagar? Dans une correspondance du gouverneur de la province Ngozi, il était indiqué que dès ce mercredi 18 janvier, un kilo de la bonne chair de viande coûte 11 000 francs bou dans toute la province et 10 000 francs sel mélange. Ces prix ont été respectés ce mercredi au marché de bétail de Viegue. Là, un kilo d'une bonne viande s'achetait à 11 000 francs bou et 9 000 francs pour la seconde qualité. Pourtant, ces prix n'ont pas été appliqués au chef-lieu de la province Ngozi. Dans les boucheries, une bonne viande se vendait à 13 000 francs, voire 13 500 le kilo, et Tchanga Tchanga, 10 000 francs. Au marché central de Ngozi, le prix d'un kilo de la première qualité était de 12 000 francs bou et 9 000 la seconde. Les consommateurs de la ville de Ngozi demandent que les prix fixés par l'autorité provinciale soient respectés. Sinon, sanctionner les récalcitrants afin qu'ils s'y conforment. Dans cette correspondance, le gouverneur Emmanuel Nachonsanze conseille à ceux qui font la sourde oreille la cessation de cette activité sous peine d'être sanctionné. Selon lui, il est inadmissible que les prix diffèrent alors que le marché d'approvisionnement est le même. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Je vous le disais tantôt aussi, plus d'une vingtaine de ports d'un seul ménage sont morts suite à une maladie jusqu'ici inconnue sur les collines de Buhevi et Bugorora en commune de Bugambarangwe de la province Kirundo. Le vétérinaire communal de Bugambarangwe confirme les faits. Le ministre Sanctus Niragira ayant l'élevage dans ses attributions a exhorté une équipe de spécialistes vétérinaires pour le dépistage de ces bêtes. Tout cela a été dit ce mercredi dans une réunion tenue par cette autorité au centre de Kirundo. Restons toujours dans cette province du nord du pays pour vous parler aussi du gouverneur de cette province qui demande au ministre ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions de donner des techniciens pouvant aider dans la mise en place du projet qui vise à augmenter la production et ainsi éviter des défis relevés dans le projet précédent. Lors du lancement officiel de ce projet ce mercredi à Kirundo, le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage a promis la disponibilité de ses techniciens. Agnès Nhomagadze. Lutter contre la famine et la pauvreté, tels sont les objectifs du projet d'appui au développement durable des chaînes de valeur de l'agriculture et de l'élevage au Burundi qui sera exécuté dans trois provinces du Nord, comme l'indique le représentant pays de la Banque africaine de développement, BAD en sigle au Burundi. Il a en plus souligné que ce projet sera mis en œuvre avec une enveloppe de plus de 40 milliards de francs burundais. En outre, ce projet remplace le projet Patareb de 5 ans qui vient d'être clôturé. Mais le gouverneur de la province Kirundo demande au ministère ayant l'environnement, l'agriculture et l'élevage dans ses attributions de leur donner aussi des techniciens pouvant aider dans la mise en œuvre de ce projet pour que les défis relevés dans le projet clôturé ne se répètent pas. D'après le gouverneur, le projet Patareb n'avait pas intégré le secteur de la jeunesse dans la mise en œuvre du dit projet. Le docteur Sanctus Niragira indique que d'ici peu de jours, les techniciens seront disponibles pour contribuer dans l'exécution de ce projet dans le but d'augmenter la production dans le secteur agricole. Il a en outre souligné que le secteur de l'élevage sera aussi appuyé à travers les techniques de conservation de la production du poisson. Signalons que 35 motos ont été octroyées aux moniteurs agricoles de ces trois provinces. Le ministre interpelle la population de ces provinces de s'approprier de ce projet et de bien garder le matériel qui sera utilisé dans le dit projet. Quant à l'implication des jeunes dans ce projet, il a indiqué que les jeunes ne seront pas oubliés. Depuis Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès Naumagadze. Revenons sur l'élément parlant d'une vingtaine de porcs d'un seul ménage qui sont morts suite à une maladie jusqu'ici inconnue sur les collines de Wuhedi et Wugorora en commune de Bugambarango de la province Kirundo. Le vétérinaire communal de Bugambarango confirme les faits. Le ministre Sanctus Niragira, ayant l'élevage dans ses attributions, a exhorté une équipe de spécialistes vétérinaires pour le dépistage de ces bêtes. Et tout cela a été dit ce mercredi dans une réunion tenue par cette autorité au centre de Kirundo, Abraham Safari. Comme l'a précisé un éleveur et multiplicateur des semences de la commune de Bugambarangwe, Gatabazi Jean, à côté des vaches abattues par la maladie du rift, ce sont les porcs qui meurent actuellement. 115 porcs, a-t-il ajouté, ont trouvé la mort dans moins de 2 semaines. Mais ici, le vétérinaire communal dit plutôt que chez cet éleveur, le nombre de porcs tués gravite autour d'une vingtaine, même si le nombre exact n'est pas encore connu. Il précise que les symptômes sont l'inappétence, la fièvre et enfin la mort. Ils ont essayé de soigner les symptômes de la maladie, mais en vain. À cet effet, le ministre ayant l'élevage dans ses attributions, Santos Niragira, a donné injonction aux laborantes du ministère de se précipiter à rejoindre les collines les plus touchées par cette maladie jusqu'ici inconnue, afin de savoir quel type de maladie s'agit-il et chercher la solution. Santos Niragira a demandé aux vétérinaires d'alerter le plus vite possible si une telle maladie fait plusieurs décès animaux et surtout dans un seul ménage. C'est la perte pour cet éleveur, le ministère et le pays en général, a-t-il martelé. Sachez que tout cela a été dit ce mercredi dans une réunion tenue par le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage. À l'endroit du personnel de ce ministère œuvrant à Kirundo, les chefs des différents services ainsi que la population pour recueillir leurs doléances dans le secteur précité. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari de Kirundo Cap sur Gitega où près de 500 000 tonnes de maïs ainsi que près de 2 000 kilos de riz sont prévus pour être donnés aux agriculteurs regroupés en coopérative. Annonce faite ce mardi à Gitega lors du lancement officiel du projet de production agricole d'urgence au Burundi qui sera exécuté sur 2 ans dans 14 provinces excepté Kirundo, Ngozi et Muyinga. Et notre projet intervient dans ces provinces citées pour faire face aux conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'était dans un atelier avec le gouverneur et les responsables de l'agriculture dans ces provinces concernées. La directrice générale de l'agriculture a demandé au gouverneur de veiller sur les stocks de semences pour qu'il n'y ait pas de vol Arthur Kabaouche. Ce projet de production agricole d'urgence au Burundi, AEFBF Burundi, a été demandé par l'État burundais avec l'appui de la Banque africaine pour le développement pour une durée de 2 ans à débuter le mois d'août 2022 avec un don de 11 milliards de francs burundais. Adrien Miouro, chargé de l'agriculture dans ce projet, indique ici ce qu'ils vont donner aux agriculteurs réunis en coopérative et qui ont des terrains de 2 hectares et plus. Dans ce projet, nous avons 571 686 kilos de maïs et nous comptons en tirer une production de 9000 tonnes. Nous allons donner des semences au multiplicateur, 2750 kilos de semences qui produiront 200 tonnes de semences pour les bases qui donneront ensuite 28 000 tonnes de riz durant le projet. Quant à ces semences, elles seront données à travers le système de subvention, selon toujours ce même responsable. Ces semences de maïs seront données dans le cadre de la subvention des semences. À côté de cela, il y aura la subvention des produits sanitaires. La directrice générale en charge de l'agriculture au ministère de l'Agriculture, Vestine Nyandui, demande au gouverneur de province de surveiller à ce que cette semence ne soit pas abîmée. Veuillez nous aider, vous les gouverneurs de province, à veiller sur les endroits où on a stocké ces semences pour qu'on n'appelle pas les gens à venir alors qu'il n'y a plus de semences. Dans ce projet, les semences ont été achetées à 7500 francs le kilo. La direction chargée de la promotion de l'agriculture et la commission chargée des subventions sont priées de fixer le prix et de le communiquer sans tarder. De Bougitegar Tukavabushi, Radio Sanganiro. Merci Arthur Kababouchi. Et pour boucler cette édition, des réfugiés burundais vivant dans leur camp situé dans le territoire d'Ofizi, nous sommes en RDC, continuent à vivre la peur au ventre. Depuis les attaques survenues à ce camp la semaine passée, le représentant Olivier Iranzi trouve que les autorités administratives n'ont pas encore pris des mesures efficaces pour sécuriser le camp. Jérémy Kouhima. Selon ce dernier, des menaces continuent à être proférées par des hommes en armes contre les réfugiés. Les coups de balles ont été attendus dans des sites Lusenda ainsi que Katungulude. Une personne a été ratée de kidnapping par ces mêmes rebelles. Donc, communauté réfugiée aujourd'hui en insécurité totale au camp de Lusenda. Une autre personne qui a été blessée par machette par ces malfaiteurs pendant la nuit du vendredi au samedi au site de Lulinda. Dans 4 jours de la semaine, nous avons connu 3, voire même 4 personnes qui ont été victimes de violences, de menaces, de tracasseries ainsi que de terrorisme qui a été fait par ces malfrats. Les autorités territoriales de Fizi que nous avons tenté de contacter nous ont affirmé expédier les affaires courantes et par conséquent incapables de répondre à cette préoccupation. Au niveau de la province du site Kivu, c'est aussi la même situation. Le gouverneur de province se trouve à Kinshasa où il venait d'être désavoué par l'Assemblée provinciale. Depuis Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio Télévision Isanganiro. Merci Jérémy Kouhima. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Gardez l'écoute. Le programme continue sur Isanganiro. Au revoir.